franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 199. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 4 avril 2010, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout cette semaine, tu as conscience qu'après le résultat des élections régionales, le président de la République est allé se relancer outre-Atlantique. T'as vu ? C'est pas le président de la région Limousin qui est reçu à Washington, hein ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que j'ai peut-être paumé les régionales, mais j'ai pas perdu le budget de l'Élysée. Hein. Ma semaine aux States, elle va vous coûter un bras. Et pourquoi à nous ? Parce que vous m'avez mis une tarte au régional, alors je vais mettre une tarte au budget de l'État. Donc j'annonce, les 4 jours à Washington, 450 000 euros. Oh non mais, prenez pas comme ça. Ah bah rien qu'au relayage à l'aéroport, j'ai acheté pour 30 000 euros de sudoku. Oui, ce matin l'ami, tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités manipulées par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'un Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous croiserons ce matin trois métiers, un maître de conférence, un curieux climatologue et un cafetier. Dans la foulée, nous te dévoilerons les coulisses de ce dîner à la bonne franquette organisé mardi dernier à la Maison Blanche. Ensuite, nous irons butiner dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, puisque nos joyeux fantômes radiophoniques se sont penchés sur l'avenir des abeilles, une ruche menacée que nous ausculterons ici avec intérêt. Immédiatement après, direction Grosboule-les-Bains, où nous découvrirons pourquoi Jean-Claude vient de monter un groupe de rock heavy metal. Et puis nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter, et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un intermède comique, la farce. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, ce sont les Pâques, en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et ressuscite. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Oh, Bully. C'était en 1965 Sam the Sham qui nous offrait ce titre laineux. Oh, c'est doux, c'est neuf. Ouais. Ah d'accord, je me disais aussi, hein. Ouais, mais sinon ça ne va pas exister, hein. Eh bien, à 11h11, tu entends sonner derrière moi les cloches du Mangin Palace qui, je te rassure, ne sont jamais parties à Rome. Pas débiles, nos cloches, elles préfèrent carillonner dans nos modestes péripéties laïques qui s'ouvrent bien sûr avec la petite session freudienne de Monsieur Divan Beaujolais, carillonner ce matin devant un maître de conférence, mais aussi devant un curieux climatologue et enfin devant un noble cafetier. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Nicolas Sarkozy en Amérique. Ah bon ? Nicolas Sarkozy s'est rendu à l'université de Columbia à New York. Ah oui, ça me revient maintenant, oui. Devant un parterre d'étudiants. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Ouais, youpi ! Souvent, quand je parle avec le président Obama, il me dit parfois, mais tu sais, sur certains sujets comme l'environnement ou la régulation, je suis un peu en avance sur ce que pense l'Amérique profonde. Et moi, je vous dis une chose. Oui, mais grouille-toi, hein, parce que si tout le monde se casse... Okay. Soyez pas en retard par rapport à votre président. Une demi-heure de discours, puis quatre questions d'étudiants, dont une sur la réforme de la santé adoptée la semaine dernière aux États-Unis. Excusez-moi, mais... J'ai plus de jeu de mots, là. Nous, ça fait jamais que 50 ans qu'on a résolu le problème. Mais qui ça, on ? Ça coûte cher, mais on peut pas laisser les gens mourir comme ça. Et voilà autre chose. Donc, bienvenue dans le club des États qui laisse pas tomber les gens malades. Bon, faut que j'y vais, là, j'ai pipi, puis en plus, si j'attends, je vais traverser mon jogging. En direct du Mangin Palace. Quoi ? Bonjour, Claude Allègre. Bonjour. Et à part ça, cher monsieur, il fait quel temps chez vous ? Bon, attendez, attendez. Sur cette courbe-là. Non, je n'utilise pas cette courbe. Dans votre livre. Je n'utilise pas cette courbe. Est-ce que le sédatif est prêt ? Oui. Monsieur, vous laisse-moi finir. Non, je ne vous laisse pas finir parce que dans vous votre livre, non, malheureusement, que vous mentez. C'est quoi ce merdier ? Je déteste le mensonge. Alors laisse finir Yannick Jadot, puis je Claude déteste Allègre. Le mensonge. Je ne dis pas. Je répète, je ne dis pas la cour montre que. J'ai dit la cour montre que. Vite, donnez-lui le sédatif. Sédatif. Au Moyen-Âge, il faisait plus chaud qu'aujourd'hui. C'est ce qu'a montré ce climatologue. Sans doute qu'il est incontrôlable. Débat scientifique et vif au micro de France Inter. Alors, on y va avec calme et mesure. Avec calme et dignité, mon œil. Pendant ce temps, Dominique de Villepin a rencontré les Parisiens du 18e arrondissement et certains l'apprécient pour cette raison. Je suis content qu'il soit en balade. Je vote pas à droite, mais j'avoue que je suis content qu'il foute la merde. Elle est bonne. Le président, fragilisé par la défaite électorale, voilà qui redonne des couleurs à Dominique de Villepin. Oh, j'en peux plus. Qui prend la balle au bon et qui rencontrait des élus et représentants d'associations dans un café du 18e arrondissement de Paris. Hier soir, l'ancien Premier ministre demande la suppression du bouclier fiscal. Mais laisse-moi m'excuser, ok, parce que j'ai oublié de te parler d'un léger détail. Mesure mise en place d'ailleurs par son gouvernement, mais ce n'était pas le même dispositif, dit-il. C'est ça, oui. Comment, dans une période de crise, solliciter l'appui des Français sans organiser une juste répartition des efforts. Oh, excusez-moi, qu'est-ce que vous allez faire ? Et c'est pour cela que je dis aujourd'hui, suspendons ce bouclier. Ah, ça, c'est pas croyable. Et que ceux qui doivent donner l'exemple, donnent l'exemple. Alors, où est le responsable ? Il est là. Loin de la politique française, cette petite bouffée d'oxygène hier soir pour Nicolas Sarkozy. Un dîner entre couples présidentiels dans les appartements privés des Obama. Mon mari ne supporte pas le gibier, ça lui donne de l'urticaire. Le fond des problèmes, on verra plus tard, pas de prise de risque. Il y a du jambon au frigo, on peut vous faire des pâtes. Et ces pâtes, il les a prises à son cou, notre président, pour se rendre à Washington afin de vivre ce moment de gloire, depuis si longtemps attendu, un dîner privé à la Maison-Blanche organisé par le couple Obama. Trop la classe. Mais hélas pour Nicolas Sarkozy, ce dîner privé, qui ressemble à un traité de paix après les moult tensions entre les deux présidents, comprend aussi un petit problème technique. Mais Claude Guéant a su rassurer son Nicolas Sarkozy tracassé. L'interprète est là ? Non, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'interprète. Pas d'interprète ? Non mais vous vous foutez de moi ? D'après le message de son ministre, il a pris des leçons pour parler notre langue. Il s'en sort pas mal, il paraît. Attendez, il parle notre langue ? Il a pris des leçons. Eh ben, il part pas gagnant, traité de paix. Ça vous donne une occasion de le flatter. Vous le félicitez pour ses progrès, vous utilisez un vocabulaire très simple. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça me fait bizarre, tout seul comme ça, à table en plus. Ça n'est pas un peu négligé comme traité de paix? Vous avez vu le gars, à mon avis, il aime bien bouffer. Ça peut que le mettre dans de bonnes dispositions. Bon, ben allez, on y va. Allez, c'est parti. Nicolas et Carla ont embarqué, direction les States, afin de participer mardi soir à une petite bouffe intime mais officielle dans les appartements privés de la Maison Blanche. Mais avant, président Sarkozy et Carla se sont rendus, sur les conseils de Barack Obama, chez Ben's Chili Bowl, un fast-food spécialiste des hot-dogs où Nicolas Sarkozy a opté pour un burger. Oui, tu as bien entendu, quand le serveur s'est approché de la table où Nicolas s'était installé avec Carla, notre président a dit « Je veux un burger ». Et là, ce fut l'extase. My God! Oh, my God! Mais tu parles anglais maintenant? I can't be bread. I can't speak. Yes. Mira! Lady. Yes. Mira! Mira! Lady. Oh, incredible. I can't speak. Miracle. Ladies and gentlemen, I can't speak. Qu'est-ce que tu éprouves? Oh, chéreuse, chéreuse. Don't come in. Voilà, Nicolas Sarkozy a parlé anglais, enfin, il a commandé un burger, et après avoir avalé la chose, notre président s'est rendu fissa dans le bureau ovale pour un entretien avec Barack Obama. Et puis il a rejoint Carla afin de se préparer pour le repas du soir. Bon, Nicolas Sarkozy a pris tout son temps et il en a expliqué la raison à Carlita. Tu comprends, être en retard, ça fait riche, c'est quasiment obligatoire. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Tu vois ? Soupire pas comme ça, comme si t'avais affaire à un enfant ou un malade. Oui, Carla soupire, mais elle n'est pas la seule. Car dans les appartements privés des Obama, à la Maison Blanche, Michelle Obama, elle aussi, est en train de se préparer. D'ailleurs, elle a préféré réciter le Bénédicité avec un peu d'avance. Mon Dieu, donnez-moi la force d'aller à ce dîner qui me fait chier au-delà. Donnez-moi la force de faire semblant, de rire, de poser des questions alors que, franchement, j'en ai rien à foutre des réponses. Donnez-moi la force de faire semblant d'être là alors que je suis loin, mais loin. S'il vous plaît, mon Dieu, aidez-moi. Je suis dans le doute. Aidez-moi. Et Michel a à peine terminé son bénédicité qu'elle entend les Sarkozy arriver. Michelle Obama, accompagnée de son mari maison, va ouvrir la porte de la baraque aux Sarkozy, tout fiéraux d'être les hôtes d'hôtes aussi prestigieux. On se dit bonjour, et tout le monde se dirige vers la table sublimement dressée. Le petit Louis Sarkozy est présent, mais aussi Sacha et Malia Obama. Il y a donc trois chaises enfants, et la conversation s'engage tranquillement. Barack demande à son ami Nicolas quels enseignements politiques il a tirés du résultat des élections régionales. Eh bien, président Sarkozy est très serein. J'ai compris le message. 2012, c'est foutu pour moi, donc je suis en vacances. Plus besoin de jouer les écolos de gauche. Fini Nico l'ami des bouseux, Nico le pote des profs. C'est le retour de Nicolas Frim, Nico le mondain, Nico je brunch avec Tom Cruise. J'ai bougié une paire de Weston au salon de l'agriculture, il n'y a pas un pécor qui a voté pour moi. Ah, il y a pire. Pour le Grenelle de l'environnement, je me suis tapé des dîners entièrement au tofu avec des chevelus crado. Et j'ai pas pris une voix aux écolos. Ah, le message, il est clair. Hein. J'ai plus que 2 ans devant moi. Donc, première mesure, je m'augmente. Ensuite, je change ma bagnole de fonction. La belle Satis, quand t'arrives au VIP, c'est un peu la loose. Je fais péter une Porsche Panamera. Je peux te dire que les socialistes, là, quand ils vont débarquer en 2012, je vais te leur laisser une ardoise, mon vieux. Rien que pour payer ma note du Fouquet's, là, va falloir qu'ils virent 300 000 profs au moins. Même Fillon avec sa tête de hibou dépressif, il est plus populaire que moi. De toute façon, ne te casse pas la tête. Hein. Je ne me présenterai pas. Et les négociations sur les retraites, c'est réglé. Moi, je pars à 57 ans avec 100% du salaire. Barack Obama est fasciné devant autant de certitudes. Lui qui vient de réformer en profondeur le système de santé américain, il est un peu ennuyé de parler à Nicolas Sarkozy de réformes, puisque celles qui ont été faites en France, le bouclier fiscal par exemple, sont aujourd'hui contestées même au sein de la majorité. Néanmoins, Barack Obama tente une amorce d'analyse. Vous avez des idées extrémistes, et les idées extrémistes sont souvent récupérées par des éléments incontrôlés. Je ne suis pas responsable de tous les tarés qui ne savent pas interpréter ce que je dis. Écoutez, j'admets que parfois j'ai tendance à céder à la facilité, à dépasser un peu les bornes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ce sont les indices d'écoute qui veulent ça. Et puis le citoyen moyen sait très bien ce que je fais. Qu'est-ce que vous faites ? Je conteste. Je suis la voix de la contestation. Je suis la voix de la contestation, tout comme le toutou de Pathé Marconi fut la voix de son maître. Pourtant, un petit malaise s'installe peu à peu au cours du repas et des troupeaux d'anges passent dans les appartements privés du couple Obama. Alors, pour détendre l'atmosphère de ce dîner, Nicolas Sarkozy balance un trait d'esprit à la sauce du Far West. Et le gars qui rentre dans le saloon, super énervé, un petit cow-boy qui rentre dans le saloon. Il rentre dans le cow-boy, il fait... Qui c'est qui a osé peindre mon cheval en bleu ? Et là, t'as un énorme gaillard qui se lève du comptoir et qui lui fait... C'est moi, pourquoi ? Et le petit cow-boy, il fait... C'est juste pour savoir quand vous allez mettre la deuxième couche. Aïe. Il faut surtout pas se laisser abattre, la soirée ne fait que commencer, on passe à la suite. En effet, il ne faut pas se laisser abattre. D'autant que le repas touche à sa fin. Et sur le perron de la Maison Blanche, Carla se charge des remerciements. C'était très sympa, vraiment. On a passé une soirée extra. En tout cas, bravo pour votre maison. Vous en avez tiré un parti formidable. Surtout, tu penseras donner la recette de mousse au chocolat, hein, sans blague. Bon, allez, on s'appelle, hein. Ah bah, pas le mois prochain, on est pris tous les soirs. Merci, hein. Ciao. Ah oui, c'est ça, au revoir. Je suis crevée, dis donc. Oh, mais la gomme, chérie, je suis pressée d'aller me coucher. Pardon. Oh, dis donc, je crois que ça finirait jamais. Il a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là. On dirait Dizzy Gillespie. De là. Pardon. Oh, c'est cette mousse au chocolat. Oh, qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du vieux lait. Ah bah vraiment, elle est pas fortiche. Quand ils ont passé les films de leur gosse, je crois que c'était le bouquet. Oh, quelle ambiance de merde, alors dis donc, bon sang. Serial lovers, vain liars, liar brothers, global war. Serial lovers, vain liars, liar brothers, end of love. Wiping out the integrity, losing out the priority. By the grace of caste, updated by the clash. All in Sunni prosperity, all in Sunni tragedy. Religious irony, prime time on TV. Jackals, data by some others, butter. Taking advantage of somebody else's mashtub. So stand up to reality, stand up for morality. To the rays of love and the disgrace of... Out of control, we are getting out of control. Love is a crime, acid is a lime, criminal liars, victim of savior, money, profit, kills, everybody got his own thrill, so hopeless I felt, and loveless I left, for absolutely nothing is another one you killed, for you I wrote this beautiful song, about how love and hope I've gone, and I will kill your fame, you loveless king, like a whirlwind, no spring, believe it, like a whirlwind, no spring, I mean it. Out of control, incontrôlable, c'est l'état dans lequel se trouve ici The Beast, la bête dont doit se méfier la belle. Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir, à 7 heures, Il ne faut pas me regarder dans les yeux. Alors maintenant, à 11h25, il est temps pour nous d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Certes, aujourd'hui, les chrétiens célèbrent Pâques, mais nous sommes aussi le 15e jour du mois de Germinal dans le calendrier révolutionnaire, avec une journée qui fut dédiée aux abeilles. L'occasion pour nous de faire écho à cette charte, signée mardi dernier par 400 élus, dont 186 parlementaires de tous bords, afin de protéger les abeilles qui chaque année disparaissent un peu plus face au règne des pesticides. Et crois-moi, c'est un enjeu capital, car 80% de notre environnement végétal est fécondé par les abeilles. Sans elles, on n'ose imaginer l'ampleur et les conséquences des bouleversements pour la vie sur Terre. Inquiets, bien sûr, nos joyeux fantômes radiophoniques se sont alors intéressés à l'organisation sociale chez les abeilles. Ainsi, écoutons cette curieuse fiction que nous rapporte notre Bernard l'Ermite planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, Alina, nous étions dans un futur proche. 2012, la guerre chimique et génétique a presque anéanti le bon peuple des abeilles et le chaos s'est emparé de cette société bien organisée. Alors, dans les basses classes, parmi les ouvrières survivantes, la révolte gronde. Une ouvrière peut devenir reine si on lui donne une nourriture spéciale et si on agrandit sa cellule. Il semble que la nécessité pour cet insecte de vivre en société l'aurait amené à une modification considérable de la majorité des individus au profit d'un seul, la reine. Dans ce monde dévasté, même l'espace habitable vient à manquer. Les abeilles ont à résoudre ce problème, logement de 100 000 individus, de plusieurs milliers de berceaux et d'une cinquantaine de kilos d'une substance sirupeuse, molle et fermentescible, extraite des fleurs, le nectar qui deviendra le miel. Le tout dans un volume de 50 à 60 litres. Donc, depuis des millions d'années, les abeilles auraient découvert le building. Les rayons de cire suspendus parallèlement les uns aux autres ne sont-ils pas comparables à une rue étroite de New York ? Dans ces cités tentaculaires, tout le monde est terrorisé par d'étranges clones aux dards aiguisés que l'on appelle les réplicants. L'abeille tueuse, enfin, fait référence à ce que nous sommes capables de faire sans véritablement en connaître tous les aboutissants. Nous avons une diversité d'espèces et nous fabriquons des lignées d'abeilles à des fins de pollinisation d'un certain type de culture, alors même qu'avec cette diversité, on devrait être suffisamment satisfait. Quand en plus on peut percevoir avec cette lignée d'abeilles qu'on en arrive à produire une forme si agressive qu'elle finit par poser plus de problèmes qu'elle n'en résout certainement, on mesure un petit peu l'inquiétante étrangeté qui consiste à toujours fabriquer ce qu'en définitive on a tout à fait naturellement. Dans cette société contrôlée, tout est maintenant mécanisé, même l'amour. Que d'appareils et d'instruments ingénieux, il y a l'œil photoélectrique qui compte automatiquement les entrées et les sorties des abeilles. Et aussi l'appareil à insémination artificielle, étrange système de socle, de barres, d'aiguilles articulées, s'ordonnant autour d'un tube de contention où la reine, immobilisée, reçoit, introduite par une micro-seringue, la liqueur fécondante empruntée à l'aide d'une micro-pipette à des mâles sélectionnés, dont une anesthésie à l'éther ou au chloroforme a fait soudain surgir l'extraordinaire sexe bifide, cornu comme une tête de bélier en miniature. Et bien des apiculteurs ainsi que les innombrables dégustateurs de miel sur fin se réjouiront que les savants vivent ainsi avec elles dans la plus microscopique intimité. Mais il y a quand même un point positif dans tout ça. Dans le nouveau monde des abeilles, le chômage n'existe pas. La plupart de nos emplois sont de petits boulots, mais les abeilles savent que tous les petits boulots, s'ils sont bien faits, ont leur importance. Mais réfléchissez bien avant de choisir, car vous occuperez le même poste de travail tous les jours jusqu'à la fin de votre vie. Oh, on fait le même travail jusqu'à la fin de sa vie ? Je savais pas. Qu'est-ce que ça change ? Quoi ? Et Et vous serez heureux d'apprendre que depuis 27 millions d'années que notre espèce existe, aucune abeille n'a pris un seul jour de vacances. Ouh ! Mais vous croyez pas que vous allez nous tuer à la tâche ? On va essayer, en tout cas. Merci beaucoup, Flora Bernard, de nous avoir rappelé ce matin combien notre belle société peut parfois ressembler à une ruche. D'ailleurs, il est l'heure maintenant d'investir celle de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Roboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h31, déboulons à gros boules, où nous attendent Monique, forcément glamour, et Jean-Claude, très rock. Glam rock, c'est là tout l'esprit du week-end pascal, au cœur de notre petit village fleuri. Et pourtant, en début de semaine, Jean-Claude n'était pas au mieux. Ainsi, mardi soir, il était au bistrot avec quelques amis pour mater le quart de finale de la Ligue des Champions entre Lyon et Bordeaux. Quelques bières plus tard, à la fin de ce match de foot, Jean-Claude était avachi au comptoir, l'alcool un peu triste, en pleine discussion avec le patron et son accent marseillais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Vous savez, je suis dans une boîte. Vous avez des enfants ? Ouais, une femme et deux ou trois enfants. J'imagine pas de vivre sans eux. Après une dure journée, il n'y a rien de plus réconfortant que de se retrouver à la maison avec les gens qu'on aime autour du souhait. Et puis, tous les autres jours où on souhaiterait ne s'être jamais marié, ne pas avoir des gosses. Un jour, on est un adolescent insouciant qui rêve de devenir une rockstar ou photographe pour le magazine Playboy. Et boum, on tombe dans les griffes d'une nana. Et boum, on se retrouve avec des lardons qui vous réclament de la mûre, et en moins de deux, vous devez faire un boulot débilos où vous ne pouvez pas jouer de la guitare ou faire des photos de femmes à poil. Il ne vous reste plus qu'à vous regarder devenir chauve, gras comme un moine et à dire adieu à vos rêves de gloire. Oui, adolescent, Jean-Claude était le leader d'un groupe de rock, les Serruriers Noirs, en hommage à Jim Morrison. Mais la vie fut telle que Jean-Claude n'est jamais sorti de la cave où il répétait avec ses potes. Cela dit, l'aventure allait peut-être enfin frapper à sa porte. Car figure-toi que mercredi midi, Monique lui a appris que l'abbé de Grosboule cherchait quelques musiciens pour l'accompagner samedi soir à l'église lors de la veillée pascale. Une occasion en or pour Jean-Claude de retoucher une guitare et de jouer devant un public. Du coup, mercredi soir, accompagné de Fabrice, son pote bassiste, Jean-Claude s'est pointé au presbytère où l'abbé Guibert leur a imposé quelques révisions élémentaires. Première leçon, les deux accords. En guitare sommaire, nous avons deux accords. C'est beaucoup, ce n'est pas trop. Pour effectuer ces deux accords, nous avons une main gauche avec un pouce qui ne compte pas et un index. Avec l'index, nous viendrons appuyer sur les cordes à proximité, c'est-à-dire pas trop loin, soit sur cette corde-ci que nous appellerons donc la corde-ci, soit sur cette corde-là que nous appellerons donc la corde-mi. Et nous obtiendrons les deux accords suivants, bling et blang. Attends, l'abbé, on sait jouer de la grade quand même, s'est exclamé Jean-Claude. Du coup, immédiatement après, l'abbé Guibert et nos deux lascars se sont lancés dans une petite séance de répétition, histoire de se mettre au point pour samedi soir. Bon, attends, Guibert, deux secondes. Jean-Claude, ouais. Montre-lui l'accord magique, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, c'est troisième case. Bien sûr. C'est ça, le rock. C'est la basse. Oui, mais vous n'êtes même pas accordé. Je t'accorde ta gueule, moi, tu vas voir. Non mais c'est incroyable, vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, qu'il y a quelque chose qui grince. Ouais, je vais te dire ce qui grince, moi, c'est qu'on fait du David Crockett alors qu'on devait faire Born to be Wild. C'est ça qui grince. Et c'est à cause des pisse froids comme toi que les jeunes n'écoutent plus du rock'n'roll, voilà exactement, la vérité. Exactement. Bon bah allez, n'insistons pas, je le ferai tout seul, je préviens. Eh bah vas-y, aussi. Allez. Vous pouvez y aller. Et c'est pas ton... Médiateur qui est tombé là ? Ah si, là. Merci. De rien. Ah, vise-toi ! Oui. Jean-Claude a écrabouillé la main de l'abbé Guibert, mais peu importe, il n'a pas lâché l'affaire et en compagnie de Fabrice, son ami bassiste, ils ont décidé d'organiser samedi soir un grand concert caritatif juste avant la veillée pascale. Alors, Très vite, ils ont dégoté un batteur qui d'ailleurs s'est pointé aux répètes avec un drôle d'ampli. Ça, c'est un ampli, hein. On s'en sert sur scène, mais c'est très spécial parce que... Tiens, regarde bien, là. Hein, tous les potards sont gradués, tu vois, jusqu'à 11. Non, regarde, là, tous. Ouais, ah oui, je vois. 11. Et la plupart des amplis 11. Vont jusqu'à 10. Ouais, exactement. Et ça, ça veut dire qu'il est plus puissant, le son est plus fort. Bah, c'est plus fort d'un cran, hein. Non, c'est pas 10. Tu vois, la plupart des mecs, ils jouent toujours jusqu'à 10. Et là, t'es à 10, t'es à fond, et à fond les gamelles partout, comme ça. T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Hein? Ah, là, tu fais rien, exactement. Ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, là, tu vois. Tu sais ce qu'on fait? Ah, bah, on se met à 11. Exactement, et plus fort d'un cran. Et pourquoi on fait pas le 10 plus fort? Bah, que ce soit le maximum, et que le son soit plus fort à 10. Tant pis, là, il va jusqu'à 11. Bon, Jean-Claude n'a pas tout compris, mais cet ampli fera très bien l'affaire. Par ailleurs, jeudi matin, Jean-Claude a entendu à la radio qu'à l'Assemblée nationale, un député du Nord, Monsieur Patrick Roy, est réellement monté au créneau pour défendre les groupes de hard rock face aux attaques ridicules de Christine Boutin et de Philippe Devilliers. Donc, pour Jean-Claude, aucune hésitation, il faut jouer du heavy metal, c'est à la mode. Et figure-toi qu'à Grosboule, où il ne se passe pas grand-chose, l'engouement pour ce concert hard rock commençait à prendre sérieusement de l'ampleur, à tel point que vendredi soir, Jean-Claude et son groupe ont même eu le droit à un petit reportage télé. Si je vous dis ZZ Top, Extreme, Nirvana ou encore Kiss, eh bien vous me répondrez immanquablement hard rock. À croire que les anglo-saxons ont le monopole de cet indétrônable petit-fils du rock'n'roll. Mais pas du tout, vous répondrai-je, car le hard rock français existe bel et bien. M6 a voulu approcher de plus près ses adeptes de la déesse Décibel et du dieu Larsen, en rencontrant un tout nouveau groupe de hard rock, bien de chez nous, Douceur de Vivre. Quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais hard rock? Donc le bon hard rock, c'est un mec qui est sur scène, tu vois, il a la guitare, et puis il crache, tu vois. Et le mauvais hard rock, le mec, il a la guitare, il est sur scène, il crache, mais... Bah, si tu veux, c'est simple, ouais. Le mauvais hard rock, le mec, il a la guitare, il crache. Alors que le bon hard rock, le mec, c'est évident, il y a le bon et le mauvais hard rock. Assurément, Jean-Claude maîtrise très bien toutes les subtilités du hard rock. Toujours est-il qu'hier soir, tout était enfin prêt pour ce concert caritatif tant attendu, auquel Monique a cependant refusé de venir en représailles au comportement scandaleux du Jean-Claude à l'égard de ce pauvre abbé Guibert. C'est ainsi qu'hier soir, à 19h30, en coulisses, nos trois rockers anxieux attendaient leur tour pour monter sur scène juste après ce jeune groupe de pop-musique qu'ils avaient invité pour assurer la première partie. Waouh, regardez-les! Ils sont si jeunes. Normal qu'ils passent les premiers. Ils doivent avoir des devoirs pour demain. Ça va, relax les mecs. Le rock, c'est pas réservé qu'aux gamins. Pourquoi est-ce qu'ils jouent aussi fort? Mais ils sont super doués. Et nous, on est suffisamment vieux pour être leur père, il faut le reconnaître. D'accord. On fera vieux sur scène et peut-être qu'on va chanter comme des casseroles, mais on s'en fiche, on est venu pour s'amuser. Ouais, ce soir c'est spécial. On n'est pas plombier, on n'est pas masseur, on n'est pas patron de pizzeria. On est un super groupe de rock. Absolument. Je vais faire le point avec les gars pour l'éclairage. T'en es sûr, hein? On va pas se ridiculiser? Fais-moi confiance, ce sera une soirée mémorable. Oui, contrairement à son ami Fabrice, le bassiste, Jean-Claude était convaincu qu'ils allaient faire un carton. D'autant plus que Jean-Claude avait prévu de commencer ce concert de rock avec une vraie surprise. Ainsi, à 20h30 hier soir, devant une foule de gros boulets en délire, le groupe de Jean-Claude est apparu, visage grimé tout en cuir, quand soudain... Nos trois vieux rockers ont envoyé la sauce. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Ah! Cette première chanson fut un immense succès, à l'image de cette soirée rock fantastique qui s'est achevée très tard dans la nuit. À tel point que la veillée Pascal a été annulée, dis donc. Et figure-toi qu'il est même prévu que Jean-Claude et son groupe organisent une immense tournée régionale. Seule Monique, bien sûr, n'a pu voir ce concert. Et ce matin, au petit déjeuner, Fabrice, le bassiste, lui a confirmé qu'elle avait vraiment loupé quelque chose d'extraordinaire. Ah, dis donc, le concert hier soir, c'était formidable, hein ? Jean-Claude, en fait, il a plaqué le premier accord de Born to be Wild. On a fait péter la centrale électrique de Mougier, on a eu deux attaques. La baie et une grand-mère. Et les gosses, ils ont adoré. Hein. Attends, mais c'est un carnage. Ah, dis donc, c'était rock'n'roll. Hein. T'aurais dû venir, vraiment. Oui, la baie de Grosboule-les-Bains a été très maltraitée cette semaine. Mais il a apparemment ressuscité lui aussi, puisque d'après nos informations, la grand-messe de Pâques a bien lieu en ce moment dans notre petit village fleuri. Enfin bon, nous sommes toujours en direct du Morgin Palace et à 11h41, il est temps désormais de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple est un intermède comique, à savoir la farce. Pourquoi ? Tout simplement parce que jeudi dernier, nous étions le 1er avril, journée officielle des canulars, qui d'ailleurs manquent cruellement d'imagination depuis quelques années. Cela dit, selon la légende, cette tradition serait française, puisqu'en 1564, le roi Charles IX proclama que l'année débuterait dorénavant le 1er janvier et non plus le 1er avril. Du coup, quelques esprits taquins auraient alors décidé de faire du 1er avril la journée de celles et ceux qui n'acceptent pas la réalité. Ainsi, par l'intermédiaire du philosophe Daniel Siboni, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce qu'est l'essence d'une farce, autrement dit, l'essence du rire. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot Wacht. Trois consonnes, deux voyelles, farce. C'est une sorte de blague, qui, comme beaucoup de blagues, de tours qu'on joue à quelqu'un, c'est une petite mise en scène pour qu'il se fasse avoir. Et la farce, c'est le montage qui fait qu'au bout, la personne se retrouve farcie. Si on peut dire cuite. Il faut se schtroumpfer de bon matin pour faire marcher le schtroumpf à lunettes. J'ai le flair pour ce genre de plaisanterie grotesque. C'est d'un humour à se schtroumpfer par terre, schtroumpfarceur. L'enjeu du rire va plus loin que la farce, parce que la farce ou la blague où on rit de ce que l'autre s'est fait avoir, finalement, c'est simplement une petite célébration narcissique où on dit « c'est lui le con, c'est pas moi ». Ça, c'est extraordinaire, ça. Mademoiselle Hortense, venez, venez voir, vite, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert ? Regardez. Ah, qu'il est con, hein ? La mouche qui pète. Avant le rire, il y a une surprise. Il y a un truc, ah bon ? Mais on n'a même pas le temps de dire, ah bon, on a le souffle coupé. Et ce que les gens entendent du rire, c'est en réalité déjà la suite, la fin, la conclusion de l'événement. L'événement vraiment comique ou drôle, c'est ce qui vous a coupé le souffle, c'est cette syncope. Et le rire, il sert à faire une descente, à se rétablir le souffle. Vous voyez, à redescendre, à retrouver son souffle. Quand on le retrouve, vous connaissez ces soupirs complaisants. On dit, ah ! C'est quoi Moi, je pense que le rire, c'est une des réactions fondamentales de l'humain à l'événement choquant et au choc. Il n'y a pas, n'y a pas que l'angoisse devant le choc, il n'y a pas que le traumatisme. C'est l'histoire d'un mec qui en a raconté une histoire aussi, mais qui l'a très bien compris, lui. C'est l'histoire d'un éléphant qui est dans la jungle. Il arrive au bord de la rivière pour boire, il met un pied dans l'eau, il met la trompe dans l'eau, et à ce moment-là, il y a un crocodile qui arrive et qui lui mange la trompe. Et l'éléphant, il s'arrête, il dit, mais vous trouvez ça drôle? Pourquoi le 1er avril, on est tous à mettre des poissons et à essayer de faire des farces à ses voisins? Mais moi, je pense que le poisson, les gens ne l'ont pas expliqué. Pourquoi le poisson? Pourquoi pour le poisson? Moi, je pense que c'est sûrement lié, premièrement, au printemps qui arrive. Deuxièmement, au sexe, le poisson a souvent symbolisé la fécondité, le sexe, le désir. Et parce que le printemps, du coup, c'est le temps du désir et du sexe, c'est ça? Ah bah, ça me paraît évident. Bonjour, pour mettre de la bonne humeur au travail, il faut toujours garder le sourire? Oui, c'est préférable. Voilà, il me reste plus qu'à trouver un travail, mais je suis prêt. Ouais. Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot... Pas l'animal aquatique nocturne. Oui, oui. Bien, Daniel Siboni décèle une allégorie sexuelle dans Le Poisson du 1er avril, lorsque d'autres y voient plutôt le dernier signe astrologique de l'hiver, un peu comme une entrée joyeuse dans le printemps. Ou alors, ce drôle de poisson serait également une référence à l'ictus chrétien aux environs des fêtes pascales. Quoi qu'il en soit, c'est une tradition séculaire. Le 1er avril, on multiplie les farces et les canulars. C'est ce jour-là et pas un autre. Enfin, faut voir. Mais les autres jours de l'année, il n'est pas rare que nous racontions de gros mensonges sans les faire suivre de cette mention poisson d'avril. Ainsi, tenez, dans notre métier, il n'est pas rare de voir des camarades qui disent « Oh, mon émission de télévision remporte un succès considérable. Je reçois un très grand nombre de lettres de téléspectateurs. » Eh bien, c'est un poisson d'avril. Et ainsi, tous les jours de l'année, vous faites des poissons d'avril sans annoncer la couleur. Ainsi, tenez, par exemple. Dites-moi, vous me le conseillez, le turbo? Il est frais? Il frétille encore. Et ici même, dans un an, 1000 logements nouveaux. Pas appétissant, mon cassoulet, avec des bons petits haricots nouveaux. Des soissons d'avril. Après toutes ces fines plaisanteries, je suis sûre que le niveau intellectuel de l'émission va se relever. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau, sans se mouiller les uns les autres, les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dit qu'on m'apporte quelques pains, quelques poissons, je les multiplie par millions et les Hébreux se réconfortent. Jésus-Christ a donc quelle malice, inventé le self-service. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ dans le silence du jardin des oliviers, qui je voudrais m'accuser de ma désobéissance. Jésus-Christ a donc ses tuniques, inventé l'autocritique. Alléluia, alléluia. Je suis le sauveur, attends. attendu. Et lorsque vous ne m'aurez plus, vous pouvez vous attendre au pire. Jésus-Christ a donc, quel cynisme, inventé l'après-gaullisme. Alléluia, alléluia. Alléluia, garantie. C'était Jean-Yann en 1972 qui balançait son Alléluia, un mot hébreu qui signifie « Dieu soit loué ». Enfin, ok, c'est Pâques, mais tu loues ce que tu veux. Un box à louer dans un garage, peut-on y planter sa tente et y habiter ? Alors maintenant, à 11h51, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Eh Philippe, c'est Pâques. Ouais. Tendez l'oreille, on entend un peu partout le doux murmure des flageolets qui mijotent et de l'agneau qu'on mitonne. Four à 180 degrés, comptez 10-15 minutes par livre, pas plus, sinon c'est la crémation de l'agneau pascal. Oui, Philippe, Pâques, c'est le traditionnel repas de famille et comme le disait justement Georges Feydeau, les joies de la famille sont si délicates qu'il faut être seul pour les apprécier. Alors pour ceux et celles qui vont se coltiner ce repas ou bien savourer ce joli repas familial et dominical, j'ai cherché dans la presse de quoi alimenter la conversation à table. Très bien. Eh oui, c'est le service public aussi. Hein. Oui. Alors Philippe, premier débat que je vous propose, François Baroin est-il un ministre du budget à paillettes ? Enfin, c'est Paris Match, cette semaine, accorde toute son attention aux amours du frétillant François Baroin, un récidiviste du showbiz, Baroin serial lover et accessoirement ministre du budget. Maintenant, c'est avec la comédienne Michèle Larocque qu'il s'affiche, tant mieux pour eux, on le souhaite beaucoup de bonheur. Philippe, vous vous souvenez de Baroin à ses débuts ? Oui. Ah, c'était une bonne tête de pitou, notre Harry Potter à nous. À croire qu'il a découvert comment servir de sa petite baguette magique. Philippe, Paris Match fait la une sur les nouveaux tourtereaux. Et je vous le dis, c'est un grand bravo à Paris Match. Hein. Parce qu'ils ont risqué ce doux mélange politico-paillette. Vous savez, on peut se prendre les pieds facilement dans le tapis rouge hein, avec cet exercice. Eh bien, eux, pas du tout. Non, tout ça est traité avec subtilité. Et pour ne pas mélanger politique et vie privée, parce que ça, c'est le code d'honneur à Paris Match. On ne mélange pas. Alors, ils ont traité l'affaire en deux temps. Une première fois avec un long article dans les pages d'actualité. Ah, ça, c'est l'amour. Et puis, à la fin du magazine, une interview exclusive du ministre. Bah, ça, c'est la crise. Voilà. Alors, bon, petit problème tout de même avec ces deux papiers. Et c'est qu'on s'égare un peu. Hein. Quand Baroin dit « Nous nous sommes vus le matin », ça s'est décidé très vite. Alors non, ce n'est pas de son désir pour Michèle Larocque dont il est question, mais de sa nomination comme ministre du budget. Vous voyez, faire attention. Gaffe, ouais. Faire gaffe. Pareil, quand Baroin explique... Ça a duré tout le week-end, je cite, hein, 7 heures sans dételer, samedi, même rythme le dimanche. Bah, ouais, on ne sait plus de quoi il cause, on est complètement perdu. Bon, Philippe, je suis mauvaise langue, hein, car on apprend des trucs essentiels. Par exemple, le plus difficile pour le ministre du budget, qui préfère les femmes au pouvoir, affirme-t-il, c'est de résister à l'appel de la rivière à truite. Alors, bon, j'ai pas compris, parce que soit c'est une contre-pétrie, ou alors une métaphore. Ben, je sais pas, l'appel de la rivière à truite. Enfin, je sais pas. Bon, tenez, un autre truc que j'ai pas compris non plus, sur le couple Baroin-Larocque. C'est écrit en gros, hein. À Troyes, où François Baroin est maire, le couple se promène main dans la main, mange une glace ou une andouillette. Michèle joue la discrète jusqu'à ce qu'on lui demande un autographe. Voilà, on récapitule. Bon, déjà, ils sont à Troyes. Hein, ils font ça à Troyes, bravo, coquin. Et alors, surtout... Michel et François se tiennent la main. Ok. Donc il leur reste chacun une main pour le cornet de boule ou l'andouillette. Donc comment signer l'autographe sans mettre du gras partout ? Eh oui. Ouais. Alors moi je pense, c'est une hypothèse, il doit se mettre l'andouillette dans la bouche. François Baroin, l'homme à l'andouillette entre les dents. Ouais, c'est une solution. Bon, non, dans ces moments-là, je me dis, ces gens-là, ils sont vraiment supérieurs à moi et c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir. Andouillette, il sait où la mettre. En tout cas, bon, voilà un sujet de débat à table, en famille, ce midi, devant l'agneau pascal. Le ministre du budget doit-il se balader dans Paris Match avec Michèle Larocque dans une main et une andouillette dans l'autre ? Il paraît que Baroin doit attaquer Paris Match, hein, cela dit. Oui, c'est ce qui paraît. Bon, Encore un débat, c'est formidable. Bon, sinon, un autre débat, mais un vrai débat, celui-là, un truc bon, qui demande des idées, quoi, c'est autre chose. Alors, Philippe, avant de vous dire de quoi il s'agit, j'ai décidé d'utiliser un procédé que le vieil Hugo avait appliqué dans Le dernier jour d'un condamné, c'était en 1829. Afin de dénoncer cette barbarie qu'est la peine de mort, Victor Hugo a construit son roman comme un journal d'un condamné à mort. Mais pour éviter que l'émotion vrille notre jugement sur la peine capitale, Totor ne dit jamais ce qu'a fait le condamné. Et voilà, on ne connaît pas le crime, qui est évidemment horrible, c'est évident. Oui. Mais on ne le connaît pas. Voilà. Alors j'ai utilisé cette astuce hugolienne et l'appliquer à une polémique dont nous parle le quotidien Le Monde du 3 mars. Elle concerne le magazine de télévision Les Infiltrés sur France 2, qui utilise des caméras cachées pour faire ses enquêtes. Bon, déjà, ça fait débat, mais là n'est pas la question. Dans ce magazine d'investigation qui traite de sujets brûlants, des journalistes ont réussi, par la ruse, c'est normal, à rencontrer des criminels, hein, de vrais monstres. Pendant des mois, ces journalistes ont fait des images. Et une fois que tout fut bouclé et prêt à être diffusé, les noms de ces délinquants ont été donnés à la police. Le dogme de la non-révélation des sources journalistiques est bafoué, nous dit le journal Le Monde, sans que le ministère de l'Intérieur ait eu besoin d'intervenir. Hein, le journaliste s'est fait auxiliaire de police. C'est une première. Alors pour ma part, je ne juge pas hein, si c'est bien ou si c'est mal. Voilà. Bon, auxiliaire de police, après avoir laissé ces criminels agir pendant des mois. Bon, enfin voilà Philippe, hein, dénonciation contre toute déontologie ou bien geste citoyen. Voilà le beau débat Pascal que je vous offre. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup Monsieur Mauduit. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour la 200e. Hein. Voilà, yes. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 199e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie très chaleureusement. Au platine et à la réalisation, il y avait bien sûr ce matin le maestro H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Et assisté aujourd'hui à la technique de Sophie Moreno et de Patrick Henry. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet, Elsa Denac. Pour les scuds, Thierry Dupin, bien sûr. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires, ainsi qu'aux documentalistes de Lina et à Marie Bertin, notre stagiaire. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et son crumble. Allez, prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain en direct pour la 200e du Mange un Palace avec quelques surprises. Mais avant cela, rendez-vous samedi dans notre cellule de dégrisement, toujours à 11h sur France Inter avec de nouvelles aventures archiloufoques et total foutraque bien sûr. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment? Ah, c'était en direct? Ah, je savais pas que c'était en direct.